on veut s'évader de la rue, quitter la routine, trouver la fortune, il est temps que la roue tourne. Vous en avez rien à foutre de nous et notre culture. Vous faites les intéressés, mais vous voulez pas nous pour le futur. On marche sans respect sur le drapeau français, la merde sur les semelles, les sourcils français. On est placé tout en bas de l'échelle, chez nous c'est le bordel pendant que tu trinques au cocktail. Les frérots rament et on ne ressent pas leur douleur. Nous disons jusqu'à Paname, y'a une odeur de sueur. Ma sœur, couvre-toi, dehors ils sont obsédés. Ils veulent ton cœur en or, tu peux te le garder. Que Dieu te guide, mais toi aussi cherche bon chemin. Porter des strings, je crois pas que c'était le destin. Tu voulais être médecin, t'as suivi ta copine. Tu te croyais maligne, aujourd'hui t'es qu'une petite coquine. Faut qu'on termine bien, là on s'enfonce tous dans le mal. Mâle et femelle, réaction animale. On rêve tous d'argent, la balance, la taille du bâtiment. À taille, réveille-toi, on ne quittera pas le ciment. J'utilise mes phrases comme si c'était mon arme. Mesdames et messieurs, préparez-vous au vacarme. Indigène, maghrébin, antillais, africain, soldat inoubliable, 39-45. Quand les problèmes t'agrippent et te foutent sous la trappe, sors ce que t'as dans les tripes, dans la rue ou dans le rap. Véridique et ça frappe, indigène, faut que ça craque. Évader de la rue, le son mort mais la claque. Quand les problèmes t'agrippent et te foutent sous la trappe, sors ce que t'as dans les tripes, dans la rue ou dans le rap. Véridique et ça frappe, indigène, faut que ça craque. Évader de la rue, le son mort mais la claque. Chez moi le malheur partage à deux, car le bonheur est tout seul. On m'appelle petit merdeux au micro ou sur ma feuille. T'as un risque, un gros bout de vie pour un petit bout de shit. T'as souvi des envies, donc tes rêves se barrent vite. Évader de la rue, quand la merde est apparue. La vérité de leur revue n'est que mensonge de ma vue, de ma vie et de ma voix, de leur tri et de leur choix. Soit t'es ravi, soit tu les bats, soit tu résistes ou tu les crois. Ancré dans leur crise économique et matérielle, c'est pas la lune que je vise, vu que tout est irréel. Plus rien n'est parallèle, même à la maternelle. Que c'était pas la même pour les Harbouch et Khel. J'viens pas raconter la rue, juste mes soucis sur papier. Wesh, t'as fumé ou t'as bu, t'as oublié que t'avais pas pied. Certains veulent tout entier, mais n'ont même pas la moitié. À force de rouler et tirer, ils ont déchargé le boîtier. On était petits et mignons, à se filer des filons. On est resté au tiexon, à 10 sur le même pilon. Tu veux que je représente ma rue, mais j'en ai marre de voir sa gueule. Et ouais frérot, qu'est-ce que t'as cru que j'allais sourire et voir sa feuille. J'crois pas mon avenir, avec toutes ces renzas. J'dois commencer à bâtir, et putain ce que ça craint ça. Ceux qui craignent savent qu'on a dépassé les limites. Et ceux qu'oublient croivent que la vie ne passe pas si vite. Quand les problèmes t'agrippent et te foutent sous la trappe, sors ce que t'as dans les tripes, dans la rue ou dans le rap. Véridique et ça frappe, indigène, faut que ça craque. Évader de la rue, le saut mort mais la claque. Quand les problèmes t'agrippent et te foutent sous la trappe, sors ce que t'as dans les tripes, dans la rue ou dans le rap. Véridique et ça frappe, indigène, faut que ça craque. Évader de la rue, le saut mort mais la claque. Je suis d'humeur calme, j'en ai vu de toutes les couleurs, mais je reste sage. Faut que j'accepte mes erreurs, t'as capté le concept. Et ça t'a fait des frissons autour du coup 9-7. La rue n'est pas ma maison. Sois patient, si tu veux aboutir à quelque chose. Le rap c'est ma passion, je le fais pour une bonne cause. Pas pour les connes, les cons qui déconnent à l'école. C'est pour les bonhommes, les vrais qui veulent libérer la daronne. J'pense au début, à la fin, à mon ventre, à ma faim. Ce que je vois large et je vois fin, nouveau-né et défunt. Définis ce qui déforme, liberté pour la femme. Ils négligent nos efforts et ils s'étonnent de leur drame. Texte. Sors la vérité sans le vouloir. La rue me vexe. Et j'ai mis trop de temps pour le croire. Vas-y, va te faire voir. J'crois que t'as pas vu ma poire. J'ai pas bonne mine, moi. Vu que mon avenir se foire. Quand les problèmes t'agrippent et te foutent sous la trappe. Sors ce que t'as dans les tripes, dans la rue ou dans le rap. Véridique et ça frappe. Indigène, faut que ça craque. Évader de la rue, le saut mort mais la claque. Quand les problèmes t'agrippent et te foutent sous la trappe. Sors ce que t'as dans les tripes, dans la rue ou dans le rap. Véridique et ça frappe. Indigène, faut que ça craque. Évader de la rue, le saut mort mais la claque.